ça lave. Je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venue l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Ce soir, eh bien, les concerts nous manquent un peu, et même beaucoup. Alors, toute la Memento Family s'est concertée pour vous faire écouter des extraits de leurs concerts préférés, partager des moments spéciaux avec vous. Alors, pas d'explication, juste les noms des groupes et de leurs morceaux. Et puis bien sûr, on dédie cet épisode à tous les artistes pour qui la vie est très compliquée en ce moment. Le Memento en mode musique live et ses plaisirs, c'est tout de suite sur Radio Panique. Bon, on est prêts? 1, 2, 1, 2. Oh, attends, non. Où est-ce qu'on démarre? Bah, à 3. Pourquoi à 3? On démarre à 3, c'est comme ça. Ah bon, bah, première nouvelle. Vas-y, 3. Normal. Bon, allez, on y va. On est prêt? 1, 2. Through my window, and I can't see no light. Tonight I Sing something good to me. This will go crazy. It's an emergency. Hey, Bobby Marley. Sing something good to me. This will go crazy. Mr. Bobby, c'était Manu Chao en live à Werther en 2006, une suggestion de Xavier. La suite, eh bien, c'est ma proposition, le duo américain Handmade Moments qui joue en Argentine pour les live sessions Life on Mars. Ça s'appelle Can't Stand It. This is a song about being in love with someone that doesn't love you back. One of those classic heartbreak. Man, I wish you really would feel this way about me. But you can't force that on people. That's called being creepy. Which I got a degree in from Stanford. Here we go. It's called Can't Stand It. So I jumped the next train just at midnight. I thought I'd see you at the station. Oh. Guess I must have won your patience then. Oh, I don't want to see no one but you. You can't stand it, no, you can't. can't stand it. I don't want to see no one but you. Can't stand it no more. Can't come on, baby, where's that old love? I never thought this world had enough. But you know I always change my story. It's so that you don't have to worry no more. No one but you. You can't stand it. No, you can't stand it. I don't want to see no one but you. You can't stand it no more. Can't stand it. I don't want to one but you. You can't stand it. No, you can't stand it. I don't want to see no one but you. You can't stand it. No, you can't stand it. Non, mais y a plus de rock, y a plus de rockers, faut être honnête, il reste qui? Johnny, hein, Billy Idol, Scorpion. Non mais je veux dire, voilà, il y a quatre groupes dans le monde, c'est pas Calogero là, ou je sais pas quoi, là, Whitney Houston, c'est pas du rock ça, c'est pas ça le rock. Le rock c'est t'arrives, bon, t'as une guitare, et tu sais pas si elle va marcher, c'est ça le rock. Tu prends les risques, t'as peur, hein, ce soir tu vas jouer, peut-être que ton batteur il va pas venir, tu sais pas. Bon. Mais toi, faut que t'assures, parce que t'as 10 000 personnes ce soir, et t'attendent, hein, et elles feront pas de cadeaux. Thank you. get some sassiness in the crowd, please? Yeah, yeah, yeah, yeah. Never Fight a Man with a Perm, Idols, les punks de Bristol en live à Glastonbury en 2019. C'est le nouveau groupe fétiche d'Asma. Après ça, eh bien, c'est Kevin qui nous emmène en France, dans l'auditorium de la Maison de la Radio à Paris. C'est l'orchestre philharmonique de Radio France qui accompagne Sniper. Et bien sûr, c'est resté gravé dans la roche. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Ah! Yeah. Dans mort sur un piste. On est arrivé les mains dans les poches. À l'époque c'était on voit le vide, on fait le truc à la rage et laisse parler la rage. Moi et mes sauces on vient graver ça dans la roche. On a la taille et rien dans le vide. Depuis le place a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite, tout c'est que j'en suis. Dans la vraie vie, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je disais que c'est pareil. Déjà je suis moins sur la paille et je suis sorti de mon trou. Par du pays et vivre des moments forts avec mon groupe. Qui fait entre nous et rendre fiers les nôtres. Qui nous ont connus et soutenus avant tous les autres. C'est pour les mecs de chez nous, les équipes de l'équipe à août. Ou qui reste postiché ou qui gère. Là où j'suis dans mon élément, là où j'ai tellement passé de temps. À qui fait rien faire, t'es presque un meuf qu'on peut pas déplacer. Un mélange impossible à effacer comme un tag à l'acide. Tout comme mon place, gravé à la bougie sur les vitres du RER. Et c'est du RER avec un putain de lettre. Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroches. Pour nos familles et nos proches, c'est sorti de nulle part, c'était écrit, c'est par hasard. Un jour notre place, oh, on lâche pas, on s'accroche. Du coup on se rapproche, sur tout ce qui sous le porche, c'est maintenant reste les mêmes. On retranscrit la vie qu'on mène, sur discours, sur scène, c'est malgré tout ce qui s'est passé, j'ai pas changé. J'ai toujours les mêmes enfoirés, je tourne pas masqué. Non, j'garde mes principes et mes points d'attache. J'kiffe pas la célébrité, j'ramasse juste mon coche. Faut mes points de repère, sinon j'suis du père. Amis, pas la gueule et compère. C'est pépère, rien à foutre de l'air hip hop, jet set. J'profite de la chance que j'ai, joue pas le carré. J'me prends pas la tête, j'suis pas une vedette. Non, et j'veux pas en être une. Non, j'suis pas mieux qu'un autre. J'ai pas marché sur la lune, gravé dans le bitume, gravé dans la roche. Juste ma plume et mes proches. J'me rappelle de nos débuts. 9-7, commence mon histoire. Proposition d'album, on voulait même pas y croire. 30-01, 2000 à la machine se met en route. Personnalité suspecte dans les bacs, rien à foutre. Maintenant qu'on est hors, on compte bien y rester. Aimer ou détester, l'aventure continue et continuera. Et tout le monde touche avec nous, ouais. Ça fait mais approche, et vous hoche, la tête qui t'accroche. Pour nos familles et nos proches, c'est sorti de nulle part, c'était écrit, c'est par hasard. Un jour de place, on lâche pas, on s'accroche. Du but on se rapproche, c'est le disque sous le porche, c'est maintenant reste les mêmes. On retranscrit la vie qu'on mène, sur disque ou sur scène, c'est ok, j'ai presque arrêté le chambre. Fini de rapper dans ma chambre, tu sais. Tout a changé depuis le 11 septembre. Mais pour le reste, c'est idem. Du kiff-kiff au final, t'as reconnu la voix que t'aimes. La même signature vocale. Et chacun à l'arrache. Du hip-hop sans complexe, tellement gravé dans la roche. Que j'allume mes clopes au silex. Et riche pas encore. Toujours même problème de flouze. C'est pas la dire curable. Qu'ils soient pas par de douze. Et ma belle, y'a pire. Pas, je suis à la tâche. Respire, la vie est belle. Ça s'écrit pas VIH. Toujours le même salaud. Dégueulasse, efficace, rap parce qu'il joue le beau. Premier cassage de dos, comme mes premières cures. Mon premier pas en studio, comme le premier pas sur la lune. Et les mêmes raclis, les mêmes tminiques, pressentis, ok. C'est là sous mon rôté, au son du RG. Et les mêmes histoires, Talma, Gino et Hercule. Et de la mort de Biggie, au pont d'Allemagne. Il est du kid ici. Tu hoches la tête, l'album met en transe, t'as été gravé dans la roche. On va bien choquer la France. Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pour nos familles, nos proches, c'est sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas hasard. Un jour ne passera. On lâche pas, on s'accroche. Du plus on se rapproche. Sous disque sous le porche. Maintenant reste les mêmes. On retranscrit la vie qu'on aime. Sur disque ou sur scène, c'est ouais. Est-ce qu'il y a du monde ce soir, s'il vous plaît? Yeah, yeah, yeah, yeah. Non, non, non, non, non. Et un peu plus de bruit. Est-ce qu'on a du monde ce soir, s'il vous plaît? Et approche, écoute, hoche. La tête si t'accroche. Pour nos familles, nos proches, c'est sorti de nulle part, c'était écrit, c'est par hasard. Un jour de place, on lâche pas, on s'accroche. Du coup on se rapproche, sous disque sous le porche. Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on aime. Sur disque ou sur scène, c'est wow. Merci. C'est beau. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Okay. It starts off a dark stage and then a beam of light and you can see me and my guitar. Down, down, down, down. In the end of time there was a man who knew the road and the writing was written on the stone. and then a thin layer of fog comes in around my ankles. Roadies, that means dry ice. We're going to talk about this later. In the ancient time, an artist led the way, but no one seemed to understand. Chimes, Freddy. In his heart he knew the artist must be true, but the legend of the rent was way past due. And then, Katie, you come in with the bass. I want. Vous étiez à Bercy avec Bastien pour le live de Chaka Punk, c'était Shiza Radio, dans ce memento dédié au concert sur Radio Panique. Prochain arrêt, l'Olympia, toujours à Paris. On suit Fanny pour aller écouter les Français de General Electric's Take Back the Instant. Thrones turn into your colors. deux, deux. Un, deux. Un, deux. Oh. Ok, on vient de nous prévenir qu'il y avait des serpentins de réglisse rouge empoisonnés qui circulent en ce moment parmi vous. Je répète, ne touchez pas aux serpentins de réglisse rouge. Surtout, ne les croquez pas. Oh, mais que vous s'en fout des billes ou quoi? Ça commence quand le concert? On va pas attendre 3 semaines. Tomorrow Stereophonics dans le live from Dakota, la sélection de Nicolas. On va rester dans la formule guitare-voix, mais cette fois-ci en Australie, à Sydney. C'est le cadeau de Tim pour soigner votre manque de chanteur très ému seul devant son micro. Daniel Johnston, True Love Will Find You in the End. Okay, we have a special song here to wish you all a very Merry Christmas. And this is how the song goes. True love will find you in the end. You'll find out who just was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it reach you. True love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Thank you very much, ladies and gentlemen. By a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No, oh, oh. When I feel it at all, oh, oh. And I'm piercing on the doors, oh. Well, I lie and I'm easy all the time, but I never show when I need you. Pleased to meet you. Please to meet you. Please to meet you. you, pleased to meet you, pleased to meet you, pleased to meet you, pleased to meet you. Well, I lie and I'm easy. Pleased to meet you, pleased to meet you. Well, I lie and I'm easy. Song 2, Louise Attaque et Dionysos reprennent du Blur sur le plateau de Taratata, une émission qui a quand même permis de créer un certain nombre de moments de live très très cool. On dit merci à Maxime pour cette proposition. Et puis le Memento spécial concert, eh bien c'est déjà terminé. Merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, on pense très fort à tous les artistes, les musiciens, mais au final à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par la crise actuelle. On vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de la musique, bien sûr. Prenez soin de vous. Je vous laisse avec Corentin qui vous emmène au Düsseldorf Festival pour le concert de Corey Henry. Il joue Na Na Na. Passez une bonne soirée sur Radio Panique. Kitchen, you just want to feel better about life. Let's do this. Na na na na na na na na na na na na na na na. Clap your hands right here. On Monday, on Tuesday, be happy. Na na na na na na na na na na na na na na. Can you keep singing? Keep singing. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Yeah. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na. Yeah. I'm telling you, y'all sing that one on Wednesday at 12 noon. Yeah, having issues on your job with a boss, you just go. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Everybody sing it right here. Can you sing it right here? Na na na na na na na na na na na na. I feel better. Everybody say you. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. If you feel all right, just say yeah. I said, if you feel all right, say yeah. All right. All right, we got a few more, man. I'm going to let y'all go. You're tired? Don't do it. Not enough that. Now, you know what? I really feel like playing too long, so wherever Rebecca is, or Bishop, somebody just sit me down. And I got the organ of my dreams. I'm in a place I want to be with all the people I love. And I just want to play music. I'll be honest.